yuka na malamu mwalo mbali kubanga kateso mbali mswaza ulula mwasi na lata mbali mwali kuna mbongo avuaja kaminga ana mitu wapena bandako kubanga kete banga mingi mingi mbali wakana mwasi na uli busu na yo koye ndi mutebelo ni saraki mwasi mwasi ya ya yuka ni ya Mike Moses. DJ Frank le meilleur, Arnaud Technologie Aspire, Juste et Danga véritable bruxellois. On est tous ensemble, nous et nous, car il est un cadeau, qui bon Dieu, l'amour est notre richesse, aimons-nous, par la vie nous en vivons, qui bon Dieu. Patience qui soudit bas des jours. Christian Peugeot, moi, Namayel. Petit Tagar, Babel Mazibo. Boyoma, Boyoma, Sony, et c'est où mon DJ Ristel. Serge Louki. Odenga Bakani, Rodolphe Tumba, Maître Kam de Londres, Jean-Jacques Fikou, Force Tranquille, Zaina Monambamba, Sandra Yaba. Ikanga, Freddy Batanga. Les honorables Marcus Makani, Alain Makana, Fatih Ambrose. Le chef dancing club. Ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge, ade mwenge,